professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici à nouveau conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'un transmigrant ? Comment ce nomade qui circule au long cours se réapproprie-t-il des routes historiques ? Que nous apprend-il de la mondialisation ? Qu'est-ce que le paradigme de la mobilité ? Et du côté de la Chine, où la mobilité va plutôt aujourd'hui de ville à ville, que pouvons-nous apprendre sur celui qui migre et de la société qu'il reçoit ? Qu'est-ce qu'une population flottante en Chine ? Qu'est-ce qui se joue dans la méfiance de la société chinoise ? Nous poursuivons ce matin le questionnement et l'histoire des contacts entre migrants et sociétés avec le colloque interdisciplinaire du Collège de France « Migration, réfugiés, exil » que nous diffusons depuis la semaine passée. Alain Tarius, professeur de sociologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, en ouverture de sa contribution intitulée « Les routes européennes des nouvelles migrations », rappelle que les années 1980, années de claire définition des migrations, sont aussi celles de la mise en évidence de l'hybridation des formes dominantes, particulièrement par la spécificité des mobilisés coloniaux, et de leurs enfants, les beurs. Il nous inscrit au cœur de passionnantes enquêtes où intervient le paradigme de mobilité pour répondre aux vastes dispositifs souterrains autoproduits par les immigrants coloniaux. Dans une interview donnée à Libération en 2015, il explique, et je le cite, « Au Maroc, comme dans tout le Maghreb, le nomade existe, c'est un statut social, une tradition et une culture. Les nomades connaissent très bien les routes, ils savent quand il faut partir » et par où il faut passer. Ils font aussi voyager de l'information d'une étape à l'autre. Ils ne sont ni émigrés, ni immigrés. Dans les années 1995-2000, j'ai pu constater que ces réseaux étaient pleins de vie et d'échanges et qu'ils constituaient, sous l'effet de la mondialisation, de nouveaux territoires de circulation. Des chercheurs américains ont avancé la notion de transmigrants et ont décrit des migrations circulaires. Et c'est bien des territoires circulatoires euro-méditerranéens et ces transmigrants qui vont émerger devant nous ce matin. Ces routes, explique encore le sociologue, sont des circulations entre pays pauvres et banlieues pauvres des pays riches. C'est du pour tout pour. Ils parcourent ces trajets avec des visas touristiques, invisibles parmi les dizaines de millions de touristes. Certains quittent en route leur petit groupe pour une compagne bulgare ou serbe. Ceux qui se fixent ainsi serviront de relais aux nomades suivants et deviennent des immigrés. La mondialisation, poursuit Alain Tarius, réorganise de nouvelles centralités cosmopolites qui ne sont plus celles de l'État-nation. Ainsi, les familles immigrées marocaines ou turques deviennent en Europe des familles transnationales réunies par de multiples mobilités qui peuvent suggérer les contours de peuples sans nation. En deuxième partie, la sociologue Isabelle Thirault, directrice de recherche rattachée au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine à l'EHESS-CNRS, nous invite à une approche historique et un peu excentrée sur les migrations à l'ombre de la période maoïste, où elle s'attache à décrire la situation de méfiance généralisée qui prévaut aujourd'hui en Chine et le soupçon qui frappe aussi bien le proche que l'étranger. Elle montre comment les nouvelles formes de mobilité qui ont émergé depuis le début des années 1980, en dissociant domiciliation officielle et domiciliation réelle, ont provoqué la coexistence de citoyens jouissant de droits très inégaux en fonction du lieu d'enregistrement de leur houkou, le fameux livret domestique qui distingue individus agricoles et non agricoles à partir de 1958. Mais tout de suite, nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France et nous retrouvons Alain Tarius, les routes européennes des nouvelles migrations, des mobilisations internationales aux mobilités transnationales, le 13 octobre 2016. Les années 1980 furent particulièrement riches en analyse et en description des deux principaux types de migration internationale séculaire vers la France. D'abord, celle pour le travail, mobilisation de la main-d'œuvre internationale, d'abord européenne, puis ensuite coloniale. À partir des années 1850 jusqu'à la fin des Trois Glorieuses, les populations étaient concentrées par bassin d'emploi et entrer dans le processus de l'intégration individuelle ou familiale par successives générations. La deuxième, que l'on désigne sous le terme de diaspora, dès les premières années de la Révolution française, la diaspora israélite entra en négociation avec les républiques françaises successives pour l'intégration individuelle et collective. Dans les années 1980, également, des chercheurs portèrent notre attention sur l'hybridation de ces deux modèles, notamment en ce qui concernait la mobilisation coloniale algérienne, particulièrement après les années 62. Bien sûr, en 1982, le mouvement des Beurs, les fameux orphelins de la République, se déclenchait pour réclamer une intégration réelle. Ceux qu'on a appelés la deuxième génération, au regard des migrants algériens des années 62 et suivantes, portaient donc sur le devant de la scène publique leur impossibilité d'intégration. Ainsi, sur ces bases, les milieux de la recherche, les milieux politiques furent depuis lors et souvent jusqu'à aujourd'hui mobilisés pour comprendre les subtilités constitutionnelles, les aménagements économiques ou l'histoire récente des ruptures postcoloniales qui permettrait de comprendre ce type de migration et ce grave échec des institutions de la République. Et cependant, les fameux pères disparus, pères des orphelins, vous avez bien compris, fameux pères disparus, développaient dans l'invisibilité des initiatives résolues en Europe, dans plusieurs grandes villes, Marseille, Turin, Strasbourg, Bruxelles, par exemple. Il s'agissait de la création de vastes marchés. J'ai eu l'occasion, à partir de 1985, de travailler sur celui de Marseille. Situé dans un quartier historique central, Belzunce, en déshérence. Là, 5000 Maghrébins, essentiellement algériens, avaient ouvert 350 boutiques, vendant des pièces détachées de voitures contrefaites dans le dispositif industriel piémontais italien et passées par des migrants sénégalais ou maliens, des tissus et des tapis industriels fabriqués en Belgique et aux Pays-Bas, passés par des migrants marocains déjà installés depuis plusieurs dizaines d'années à Bruxelles, des machines électriques pour les travaux ménagers passées d'Allemagne par des populations turques. Bref, un ensemble de mobilités qui substituait Belzunce à l'impossibilité du gouvernement algérien d'assumer les importations de produits d'usage courant nécessaires à sa population. En 1987, sur les premiers résultats de notre enquête, la CEDES de la Caisse des dépôts consignations fit une vaste enquête qui montrait que 700 000 Algériens se déplaçaient cette année-là vers Marseille par bateau ou par avion pour effectuer en fin de semaine les achats nécessaires. Ce grand dispositif, je refusais de l'analyser par une monographie quelque peu exotique, quoi, et décidais d'entrer dans les analyses, les interconnexions de ces multiples mobilités que je signale et des interactions sociales, économiques bien sûr, affectives aussi, indissociablement, auxquelles donnaient lieu. Je proposais donc le paradigme de la mobilité, conjuguant trois niveaux de mobilité, celui de la quotidienneté, celui des mobilités résidentielles occupant des segments de vie, d'histoire de vie, celui des coprésences dans les parcours migratoires effectués par les parents, les grands-parents ou par eux-mêmes parfois. Je m'inscrivais ainsi dans une lignée sociologique française représentée dans les années 1950 par Georges Gurwitz, au début des années 1960 par Pierre Bourdieu dans ses études algériennes et par William Grossin ensuite, qui postulait que les mobilités de population permettaient de comprendre les régulations de ces populations. À la fin des années 1980 et pendant les premières années 1990, le dispositif commercial de Belzunce s'étiola sous deux effets. Celui des grandes migrations marocaines entre les années 90 et 2000, où 1 200 000 Marocains émigrèrent vers l'Europe, et celui de la guerre larvée, la guerre civile larvée algérienne et de l'impôt révolutionnaire prélevé sur les commerçants algériens de Belzunce, c'est-à-dire la quasi-totalité d'entre eux. Le nouveau dispositif marocain se développa dans la mobilité le long de routes d'Algésiras à Alicante, Barcelone, Marseille bien sûr, Turin, le canal rhodanien, l'Alsace, la Belgique et jusqu'à Francfort. Il permit de connecter, de réagréger les sociabilités disjointes par la migration coloniale le long de ces parcours, de créer des liens importants entre sédentaires implantés et nouveaux circulants, de telle sorte qu'en 1994, on comptait 140 000 Maghrébins, Marocains essentiellement, effectuant ces grands parcours européens, ce vaste territoire circulatoire européen, pour livrer des produits à des centaines, à des milliers de boutiques installées dans les villages et les villes traversées, pour dynamiser des associations culturelles et cultuelles tout le long du parcours. Un autre territoire circulatoire était né en Europe une dizaine d'années auparavant. Il était animé par des Turcs. Il ne concernait qu'une partie de leur parcours entre la Turquie et l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Il concernait, dans le sens du territoire marocain, il concernait l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Par contre, il n'était que logistique de transport dans l'ex-Yougoslavie et en Bulgarie. Un troisième territoire circulatoire naquit au début des années 2000, avec les mêmes caractéristiques de superposition territoriale entre les circulants et les sédentaires. Je m'étais évidemment résolument engagé dans cette voie, déjà défrichée dans les années 1960 par Alain Girard, qui traçait une carte des implantations portugaises en région parisienne et de leurs liens avec l'arrière-pays portugais, mais aussi suggéré par Maurice Alvax dans sa magnifique étude de 1939 et 40 sur la Palestine, mettant en évidence la coprésence de populations aux références idéologiques et aux conceptions du territoire différents sur un même espace, l'espace palestinien, et les grandes mobilités qui permettaient de l'alimenter. Je m'inscrivais donc, encore une fois, dans une tradition sociologique française. Le territoire circulatoire qui naissait dans les années 2000, dans le schéma projeté, est celui que nous avons désigné comme euro-méditerranéen. Il a comme particularité d'être discret, j'y reviendrai, et d'autre part, d'être cosmopolite. Au contraire des deux précédents qu'on a désignés comme marocains ou comme turcs. Il trouve son origine dans une volonté délibérée de grandes entreprises transnationales du sud-est asiatique, des entreprises d'électronique, qui veulent créer un système mondial de diffusion de leur production auprès des populations pauvres. Et nous sommes là, dans la branche nord-méditerranéenne de cette mondialisation. Passage par Dubaï, par le Qatar, par différents émirats du Golfe Persique, de ses produits d'entrée de gamme, hors taxes, hors contingentement, offert ensuite aux populations européennes, balkaniques ou ouest-européennes, dans des conditions d'environ 50 à 60% moins chères que les distributions par les grandes entreprises commerciales ouest-européennes. Par bateau, par avion, toutes sortes de cargos, donc, les marchandises sont envoyées dans les ports d'Odessa, Ukraine, de la mer Noire, où des populations polonaises et ukrainiennes les réceptionnent. De Sotchi, en Russie, où de nombreuses populations des républiques caucasiennes les réceptionnent. À Poti, en Géorgie, où des Azéris, des Afghans et des Géorgiens les réceptionnent. À Trabzon, Trébizonde, dans le nord-est de la Turquie, où des populations afghanes et syriennes les réceptionnent encore. Ensuite, des groupes se dirigent et se mélangent en arrivant dans les ports bulgares de Burgas et de Varna, et en sous-groupe d'une quarantaine de personnes, travaillant parfois dans les champs, parfois vendant les produits qu'ils ont réceptionnés et qu'ils vont encore réceptionner au fur et à mesure qu'ils avanceront sur un nouveau territoire circulatoire cosmopolite, vont créer ce troisième côté du triangle. Comment cela a-t-il été possible? L'histoire trentenaire, dont récente, de ces pays y répond. À l'époque du Comécon, la Bulgarie et la Syrie étaient des pays frères. Les Syriens envoyaient chaque année environ 2000 à 3000 étudiants terminer des formations médicales, entreprendre des formations pharmaceutiques ou d'ingénieurs à Sofia, plutôt que dans le lointain et froid de Moscou. En 1990, à la fin du régime socialiste, 1200 d'entre eux demeurèrent à Sofia. C'étaient les enfants de Bazari, d'Alep et de Damas, qui ouvrirent dans un quartier central de Sofia, qui avait été relativement délaissé par les autorités, qui construisaient des logements sociaux dans les périphéries de Sofia, dont 1200 d'entre eux achetèrent des maisons de 1, 2 ou 3 étages, restaurèrent les rez-de-chaussée en atelier ou en commerce, bijouterie, en liaison avec Alep ou Damas, bien sûr, vente de vêtements fabriqués dans les grandes fabriques internationales d'Alep à l'époque, vente des premiers produits électroniques passés du golfe Persique par des Syriens. Et ils habitèrent dans les premiers étages et restaurèrent les deuxièmes et parfois troisième étages. Quand, entre 1995 et 1999, des milieux cupides tentèrent, avec succès, d'expulser des populations bulgares des appartements sociaux les plus récents des périphéries de Sofia, c'est les Syriens en centre-ville qui les accueillirent dans des conditions avantageuses. La construction sociale de l'étranger arabe moyen-oriental, dès lors dans les Balkans, fut extrêmement positive, à l'inverse de la construction sociale de l'arabe maghrébin en vigueur dans les nations ouest européennes. Mais aussi, au début des années 2000, des milliers, environ 15 à 20 000 migrants afghans traversèrent la mer Noire et la Bulgarie pour se rendre au Kosovo, aider les populations albanophones ou les Albanais eux-mêmes à reconquérir, disent-ils, ou fonder la République kosovarde. Plusieurs milliers d'entre eux demeurèrent ensuite au Kosovo et en Albanie. En Albanie, ils se joignirent aux habitants qui avaient une tradition multiséculaire de migration vers les Pouilles et les Abruzzes italiennes. Ainsi, le nouveau territoire était tracé, avec au cœur des populations qui se recomposaient à partir des ports que je vous ai signalés, qui se recomposaient en Bulgarie, avec au cœur des Syriens et des Afghans. En 2015, l'année dernière par conséquent, lors de l'exode, la plus grande partie, la plus démonstrative de l'exode, fut celle concernant les itinéraires des Syriens, Afghans et Irakiens par la Turquie et par la Grèce, par la Macédoine du Sud en Nord, la Serbie et la Hongrie. Le chaos dont on a tous entendu parler. Ensuite, un ordre relatif, une mise en circulation fut permise à partir de l'Autriche, en Allemagne évidemment, en Belgique et aux Pays-Bas. On retrouvait là la fonction essentielle des territoires circulatoires dont je vous ai parlé, une fonction buvard entre circulants et populations sédentarisées qui permettait aux uns et aux autres, soit de s'arrêter, soit de se mettre en circulation à travers plusieurs nations européennes. Nous avons pu, très récemment, au mois de juillet et au mois de septembre, avec une université bulgare et deux universités italiennes, tenter une évaluation des passages de réfugiés par ce troisième territoire circulateur, ce troisième côté du triangle, entrant depuis Trabzon et Poti, essentiellement, entrant en Bulgarie par Varna et Burgas, 210 000 Syriens et Afghans. 80 000 vont rester en Bulgarie, soit pour remplacer les travailleurs bulgares partis en Europe de l'Ouest pour travailler, soit évidemment pour s'associer aux Syriens désormais présents dans les principales villes. Les 130 000 qui quittèrent la Bulgarie pour traverser d'est en ouest la Macédoine et se rendre à Tetovo, puis dans le Kosovo, le Monténégro et l'Albanie, 80 000 d'entre eux encore demeurèrent là, dans ces pays. 60 000 abordèrent donc les ports de la mer Adriatique pour se rendre dans les Pouilles, Brindisi jusqu'à Tarente, pour se rendre autour de l'Aquila, dans les Abruzzes et autour des collines turinoises dans le Piémont italien, et rejoindre, munis généralement, on se pose toujours la question, mais comment passaient-ils les frontières ? Ils étaient munis, soit en Bulgarie, soit en Italie, de visas touristiques qui leur permettent des entrées, des séjours de 3 à 6 mois, bien sûr, quoi. Comme les transmigrants qui effectuent ces allers-retours dont je vous ai parlé dans les territoires circulatoires. Environ 20 000 se joignirent à partir du Piémont italien au territoire circulatoire marocain. 5 000 pour descendre vers Algeciras sur le Levant espagnol, 15 000 pour monter vers les nations européennes nordiques, dont évidemment quelques milliers vers Calais. Voici donc l'histoire autre de l'héritage de ces fameux pères disparus dans les années 80. Je vous remercie. C'était Alain Tarius, les routes européennes des nouvelles migrations, des mobilisations internationales aux mobilités transnationales. Et tout de suite, nous retrouvons Isabelle Thirault, les migrations à l'ombre de la période maoïste, crise de la réalité sociale et méfiance publique en Chine contemporaine. J'ai été invitée à parler des migrations observées en Chine depuis le début des années 1980. Je voudrais le faire en inscrivant ces migrations dans le contexte plus large des évolutions de la société chinoise avant comme après cette date. En effet, si la Chine fait face à des flux migratoires d'une ampleur inédite depuis 3 décennies, l'accueil qui leur est fait en Chine me semble indissociable de la période qui les a immédiatement précédés, c'est-à-dire des années qui se sont écoulées depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. De même, les inquiétudes que ces migrations suscitent au présent sont indissociables des inquiétudes qui traversent l'ensemble de la société chinoise, sur le plan par exemple de la langue, des repères moraux, éthiques partagés ou en tout cas des tentatives de définir ensemble ce que l'on estime désirable, acceptable, juste, bon ou mauvais, comme du rapport à une expérience historique particulière. On rencontre aussitôt une première difficulté, ou plutôt une première exigence, celle de définir quels sont ceux que l'on désigne au sein de la société chinoise comme des migrants, un terme utilisé dans la littérature scientifique, mais qui ne recouvre pas la désignation employée en Chine. Les autorités s'efforcent en effet de saisir l'ampleur de la population dite « mobile », un terme qui se dit en chinois « liudong », un terme également traduit par « population flottante », population temporaire ou population instable. Dans les localités d'accueil, on désigne plus volontiers les nouveaux arrivants comme, je cite, « ceux qui viennent de l'extérieur » ou comme des ouvriers paysans, c'est-à-dire comme des travailleurs d'origine paysanne, un terme utilisé pendant les années 1960 et 1970 en Chine pour désigner les paysans affectés de façon temporaire à des chantiers urbains. S'il est toujours dangereux d'essayer de saisir la signification des mots en dehors des usages qui en sont faits, signalons que, alors que le caractère « dong » dans « liudong » de « mobile » signifie « se mouvoir, remuer, bouger », le caractère « liu » évoque quant à lui le courant, ce qui coule et ce qui circule, et il est utilisé pour composer une diversité de termes qui signifient notamment « errer, vagabonder, bannir, s'exiler, être abandonné », mais aussi se comporter comme un vaurien ou comme un voyou. Le terme officiel de population flottante ou de population en mouvement semble désigner en miroir une population qui serait sédentaire. La réalité est pourtant plus complexe, et pour la saisir, il convient de dire quelques mots du dispositif du Rukou, ou livret de résidence domestique, dont la mise en place est achevée en 1958. Sur ce livret, qui existe toujours aujourd'hui, possédés par chaque foyer, sont consignés des renseignements comme les noms, dates et lieux de naissance des différents membres du foyer, leur niveau d'éducation, leur lien avec le chef du foyer et la date à laquelle ils ont été portés sur ce livret. Mais deux autres indications figurent également sur ce livret domestique. Le nom de la localité où il a été officiellement enregistré et deuxièmement sa nature, agricole ou non agricole. Les individus appartiennent donc à des foyers formellement enregistrés dans des villages, des bourgs ou des villes. Les autorités administratives gèrent cette population officielle locale et lui permettent en particulier d'accéder à des services, des ressources et des avantages exclusifs, même s'ils diffèrent selon les localités. La seconde indication portée sur le Rukou semble opérer une simple distinction entre urbains et ruraux, alors qu'elle établit en fait, depuis 1958, une hiérarchie entre deux catégories de foyers et d'individus. En effet, ceux qui disposent d'un livret dit agricole sont pris en charge par les entités collectives, équipes, brigades de production, communes populaires, dont la constitution s'achève également en 1958. Travail, rémunération, mais aussi accès à l'éducation, à la santé, dépendent ainsi de l'environnement climatique, écologique, politique et social, et des résultats économiques de ces collectifs. En revanche, ceux qui disposent d'un livret non agricole sont pris en charge par l'État, notamment pour ce qui est de l'emploi, des ressources pendant comme après la vie active, de l'éducation ou de la santé. Comme on dit en Chine, il y a donc, je cite, « ceux qui mangent les céréales qu'ils cultivent » et « ceux qui mangent les céréales de l'État ». En réalité, les céréales subventionnées par l'État, produites par des paysans, tous transformés en agriculteurs. La nature du livret de résidence possédé désigne donc non seulement un espace d'appartenance, mais également la nature de la relation établie avec l'État. Ce dispositif privilégie également le principe de filiation, puisque l'on hérite, jusqu'en 1998, du type de livret possédé par la mère. Je ne détaillerai pas ici les contraintes qui ont été assorties à ce Rukou, mais il est important de savoir que des contraintes ont été posées et demeurent pour limiter son transfert d'une localité à une autre ou pour en modifier la nature. Signalons simplement que l'accord des autorités de la localité de départ et d'accueil sont nécessaires pour transférer son livret domestique ou pour, encore une fois, en modifier la nature. Ces conditions, ces contraintes ont varié, se sont transformées depuis 1958, elles ne sont pas immuables, mais elles demeurent. Enfin, je voudrais ajouter que la distribution par les autorités à la seule population officielle locale de ressources vitales qui vont du travail au logement, en passant par l'obtention de tickets de rationnement et de bons d'achat, a longtemps découragé toute mobilité individuelle découplée de celle du livret de résidence. En 1981, sous la direction de Deng Xiaoping, une résolution politique est adoptée qui prend position sur les excès et les erreurs de la révolution culturelle, officiellement 1966-1976. Un an plus tard, en 1982, une première réforme économique est adoptée, souvent désignée comme la décollectivisation des terres. En réalité, la propriété des terres demeure jusqu'à aujourd'hui collective dans les campagnes, alors que les terres appartiennent à l'État en ville. Et c'est un droit d'usage qui est redistribué aux foyers, selon des critères différents en fonction des régions, à partir du début des années 1980. J'ajouterai qu'en 1983, les communes populaires établies en 1958 commencent à disparaître. S'ensuivent alors de premiers départs des habitants des zones rurales vers les villes, le maintien sur place de tous les membres du foyer n'étant plus obligatoire et pas vraiment nécessaire pour cultiver les quelques lopins de terre attribués à chaque foyer. Les premiers à partir sont des premières. Ce sont en effet des jeunes filles qui vont s'embaucher comme aides domestiques à Pékin. L'origine rurale de ces migrations initiales, le découplage qu'elles instaurent entre domiciliation effective et domiciliation officielle, l'ignorance dans laquelle ceux qui partent tiennent le dispositif de la lettre de recommandation chargée jusque-là de garantir l'identité et la crédibilité de ceux qui se déplacent en Chine, explique sans doute que ces migrations soient perçues comme annonciatrices de, je cite, « flux aveugles de paysans ». Ces premières caractéristiques contribueront également à rabattre les formes de mobilité très contrastées qui se sont développées en Chine. Or, les migrations observées en Chine depuis 3 décennies, qui s'inscrivent dans un contexte où l'accès au logement, à l'emploi et à la consommation est profondément reconfiguré, recouvrent des réalités de nature et d'ampleur fort diverses. Je citerai 2 exemples. Alors que l'on parle donc de flux aveugles de paysans, le dernier recensement montre que 1/4 de la mobilité interne en Chine est une mobilité ville-ville, et non pas une mobilité campagne-ville. D'autre part, et j'irai là également très vite, mais parmi tous ceux que l'on dit être des paysans arrivant de façon massive dans les villes, la plupart d'entre eux n'ont d'agricole que la nature de leur livret domestique. Beaucoup de jeunes gens ont grandi au bourg et n'ont jamais travaillé la terre. Ces distinctions ne sont pas retenues pourtant dans les indicateurs nationaux destinés à l'action de l'État et qui s'attachent à mesurer la seule mobilité jugée problématique, voire dangereuse, celle qui s'accompagne d'un découplage entre domiciliation réelle et domiciliation effective. Lors du dernier recensement national de 2010, cette population flottante, ainsi désignée, composée de ceux qui vivent depuis au moins 6 mois ailleurs que là où leur livret domestique est enregistré, comptait 221 millions de personnes, soit 17% de la population chinoise. Sur ces 221 millions, 50 millions s'étaient déplacés tout en restant au sein de leur district d'origine, et près de la moitié d'entre eux n'avaient pas franchi les frontières de leur province d'origine. Sous l'influence de ces flux de mobilité, le dispositif du RUCO n'a cessé de connaître des ajustements. Je ne vais pas ici entrer dans les détails. Un permis de résidence temporaire a été attribué aux migrants, moyennant certaines conditions. Il est possible, si on fait un investissement immobilier dans certaines villes, d'obtenir un permis bleu qui se transforme au bout de quelques années en permis permanent. Les grandes métropoles chinoises ont adopté des politiques très différentes. Je ne vais pas encore une fois être plus longue sur cette question. Je voudrais peut-être simplement dire que la distinction entre permis de résidence agricole et non agricole tend à s'atténuer, alors que l'importance du lieu d'enregistrement du RUCO demeure. Une littérature abondante existe sur les caractéristiques de ceux qui composent cette population flottante, sur leur motivation, leurs conditions de travail et de vie, leur impact, comme l'on dit, dans les localités d'accueil de départ, avec par exemple la présence de 60 millions d'enfants qui vivraient dans des villages dont leurs parents sont absents la majeure partie de l'année. Ces études sont importantes. Si elles ont tendance à uniformiser des projets et des parcours très hétérogènes, elles décrivent les inégalités observées sur le plan de l'emploi, du salaire, du logement, des dépenses d'éducation et de santé. Certaines de ces inégalités découlent directement de ce fameux RUCO, du livret domestique. Les dépenses d'éducation, par exemple, sont plus importantes pour les non-locaux. D'autres n'en découlent qu'indirectement. Une étude nationale menée en 2012 montrait qu'à occupation égale, la rémunération des migrants était inférieure de 41% à celle des non-migrants, sans que, bien sûr, aucun texte officiel ne justifie cet écart. Les études publiées décrivent également les maux dont ces migrants sont accusés. accroître le chômage dans les villes, nuire au contrôle de la natalité, contribuer à la désorganisation des familles comme à la violence et à la délinquance. Elles décrivent les stéréotypes qui continuent à les frapper, les rumeurs qu'ils suscitent, la méfiance qui les entoure et qui fait dire à nombre d'entre eux qu'ils ne savent pas où se tenir debout dans la ville qui les accueille. Cependant, peu d'études inscrivent la méfiance suscitée par les migrants dans le contexte plus large de la méfiance généralisée observée aujourd'hui en Chine. Une méfiance, j'ai envie de dire, a priori envers autrui jusqu'à preuve du contraire. Une présomption de malveillance qui a pour effet d'accroître l'importance des relations particulières, des cercles d'interconnaissance, des groupes de proximité. Cette méfiance se manifeste au quotidien par les moments consacrés à tester la fiabilité d'autrui, à vérifier le sens de ses paroles, à s'assurer de la cohérence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Elle peut être illustrée, cette méfiance, par les propos tenus récemment par des femmes sur une place publique de la ville de Tianjin, alors qu'elles tentaient d'expliquer le mutisme dans lequel elles se cantonnaient lors d'un rassemblement collectif auquel elles participent pourtant depuis plusieurs années et au cours duquel des exercices physiques étaient accomplis de concert. Je le cite, deux d'entre elles. « Tu crois que c'est sincère, que tu peux leur faire confiance. Ils font comme s'ils pensaient ce qu'ils disent, mais ce n'est pas vrai. Il faut que tu fasses attention. Tu ne peux pas savoir exactement ce que leurs mots veulent dire. » Une autre. Pour nous, ici en Chine, se parler, c'est une chose assez compliquée. Tu ne sais pas ce que les gens attendent de toi, tu ne sais pas ce qu'ils pensent, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ce que tu leur dis. Ou s'ils pensent ce qu'ils te disent. C'est très compliqué. C'est pourquoi la vie ici, jour après jour, est pour nous si fatigante. De fait, cette méfiance qui conduit certains aujourd'hui en Chine à parler de leur société comme d'une société du soupçon, se manifeste en particulier dans les espaces publics. Même si c'est aussi dans ces lieux publics, et plus précisément au sein de rassemblements, de moments d'interaction en face à face, que cette méfiance est éventuellement contenue et surmontée. Il semble en tout cas nécessaire de ne pas dissocier la question de la population flottante et de la méfiance qu'elle suscite volontiers, de la méfiance qui se manifeste de manière plus générale envers celui que l'on ne connaît pas, celui dont on ne sait pas à quoi il appartient et s'il est recommandable ou pas. C'est en tout cas cet objectif que je consacrerai le reste de mes propos. On l'aura compris, les migrations observées en Chine à partir du début des années 1980 font irruption après plusieurs décennies pendant lesquelles les déplacements, et notamment les déplacements volontaires, sont perçus officiellement comme indésirables. À partir de 1958, les individus sont assignés à résidence, j'ai essayé de l'évoquer brièvement, et ceux qui s'affranchissent de cette assignation, quelles qu'en soient les raisons, sont positionnés aux marges de la société. Si le vagabondage et la mendicité, notamment en temps de famine, ont de tout temps été des expériences pénibles, il n'est sans doute pas inintéressant de souligner que les villages qui sont les premiers à procéder en cachette à la redistribution des terres collectives en 1978, avant que cela ne devienne une politique nationale, sont des villages particulièrement décimés pendant la grande famine de 1958-62, et dont les habitants ont fait alors l'expérience de la mendicité dans les régions alentours. Par exemple, dans le village de Xiaogang, dans la province de Lanhui, l'un des premiers villages à avoir procédé à cette redistribution secrète, 38% des habitants périssent pendant cette grande famine. La mémoire des souffrances physiques, mais également du sentiment d'indignité éprouvé en allant alors mendier en groupe sur les routes, est mise en avant aujourd'hui encore pour justifier l'initiative prise en secret en 1978, la redistribution du droit d'usage des terres collectives, une initiative susceptible d'envoyer les uns les autres en prison, mais qui écartait au moins toute nécessité de recours au vagabondage. Soulignons qu'à l'inverse, les déplacements forcés, sans transfert du RUCO, constituent pendant les trois premières décennies du régime une sanction politique. Plusieurs dizaines de millions de personnes sont ainsi déplacées avant 1978, dans des circonstances très variées. Si les cadres et les intellectuels envoyés à partir de 1968 dans les écoles du 7 mai, une appellation qui désigne des sortes de camps de travail, pour y être rééduqués, et les quelques 18 millions de jeunes instruits envoyés à la campagne à partir de 1969 ne partagent ni la même expérience ni le même sort, tous sont envoyés loin de leur localité officielle pour y être rééduqués. Qui plus est, cette rééducation passe par une participation au travail agricole, lequel fait partie de la sanction imposée. Il est quelque peu paradoxal que la révolution chinoise, dite paysanne, fondée sur une méfiance du Parti communiste chinois envers la ville qui abrite, selon la terminologie de l'époque, bourgeoisie et capitalisme, et donc sur une méfiance envers une population urbaine qu'il faut à la fois surveiller, prendre en charge et limiter, est abouti à constituer en sanction politique le fait d'être envoyé à la campagne. De façon évidente, cette situation ne sera pas sans effet sur la manière dont les travailleurs ruraux qui arrivent soudain en ville à partir du début des années 1980 sont perçus, imaginés, soumis à des apprentissages visant aussi officiellement à les civiliser. L'assignation à résidence géographique observée jusqu'au début des années 1980 se double de plusieurs modes d'assignation à résidence sociale, c'est-à-dire des modes d'identification des individus qui orientent leurs projets et leurs destins. Je ne les évoquerai que très brièvement. Il y a tout d'abord l'origine familiale, qui désigne la condition économique de chaque foyer avant la Révolution, soit avant 1949, et donc la position relative de chacun dans une hiérarchie socio-économique déterminée. À la campagne, par exemple, les premières classes qui voient le jour sont les travailleurs agricoles, les paysans pauvres, les paysans moyens pauvres, les paysans moyens riches, les paysans riches et les propriétaires fonciers. D'autres dénominations politiques, comme celle de « famille de martyrs révolutionnaires », se multiplient au cours des décennies. En plus de l'origine familiale, chaque individu âgé de 18 ans se voit doté d'un statut de classe, littéralement élément composant de classe. Ce statut de classe peut désigner l'occupation, ouvrier, ou un comportement politique contre-révolutionnaire. Si l'origine familiale se transmet de génération en génération, le statut de classe ne se transmet pas, à moins qu'une procédure spécifique soit mise en place pour qu'un fils hérite du statut négatif du père, afin que le quota de mauvais éléments dans chaque collectif soit maintenu. En 1952, donc 3 ans après 1949 par définition, pratiquement toute la population chinoise est ainsi classée, et le système comprend plus de 60 catégories. Elles sont parfois confuses, car il y a les amis, les ennemis, et ceux objets de soupçons dont la figure demeure incertaine. Elles sont susceptibles d'évoluer au gré des événements et des interprétations. Et pourtant, portées sur tous les documents et dossiers personnels, elles désignent la place de chacun dans la société nouvelle et les ambitions qu'il peut nourrir sur le plan politique, professionnel, familial. À ce système d'identification sociale s'ajoute l'appartenance à une unité de travail en ville ou à une commune populaire dans les campagnes, des organisations qui non seulement sont source d'emplois, de revenus, d'avantages matériels, mais à travers lesquelles la population est organisée, logée, éduquée, enregistrée. L'une des sanctions politiques les plus efficaces jusqu'à la fin des années 1970 était ainsi le fait d'être exclu de son unité de travail et de vivre au sein de la société sans organisation, comme l'on disait à l'époque. On pourrait également évoquer des distinctions moins institutionnalisées, comme l'appartenance ou la non-appartenance aux éléments locaux dits « progressistes », c'est-à-dire au groupe des activistes politiques, lesquels devaient, selon les consignes officielles, représenter 10 à 20% de la population n'appartenant pas au parti dans chaque unité de travail et chaque village. Des réformes politiques, souvent ignorées, ont précédé les réformes économiques du début des années 1980 et fait voler en éclats ces formes d'appartenance et leurs effets. Je ne citerai que deux de ces réformes politiques parmi les plus importantes. Entre 1978 et le milieu des années 1980, les autorités chinoises procèdent à un mouvement de réhabilitation politique sans précédent. En effet, il s'agit de signaler le passage à un autre moment politique, non pas en identifiant et en sanctionnant les responsables d'excès et d'erreurs politiques passées, mais en reconnaissant l'innocence de ceux qui ont fait l'objet, par le passé, d'accusations soudain dites injustes, fausses ou erronées. Or, de telles accusations ont officiellement affecté de manière directe ou indirecte près de 200 millions de personnes en Chine entre 1949 et 1979. Ce mouvement de réhabilitation, s'il n'est pas entièrement terminé aujourd'hui, s'il a privilégié les victimes de certains mouvements politiques, a donc eu des effets considérables, encore largement inexplorés, dans les villes et les campagnes, bouleversant les hiérarchies, les critères d'identification et de distribution. Il a souvent été interprété localement, dans les usines, dans les villages, comme la reconnaissance à la fois vague mais formelle et étendue, plus étendue en tout cas que ne le prévoyaient les résolutions politiques officielles, des erreurs politiques commises depuis 1949. Par exemple, dans les villages, certains des acteurs de la réforme agraire et des violences qui l'avaient accompagnée préfèrent quitter le village. Des demandes de pardon sont parfois formulées. Des liens d'appartenance jusque-là critiqués et donc réprimés, comme les liens de parenté, refont soudain surface. L'identité de chacun devient donc à la fois plus ouverte, mais aussi plus incertaine et confuse. De même qu'il devient plus difficile de dire qui est l'un pour l'autre, pour reprendre la belle formule de Claude Lefort. Cette difficulté se trouve renforcée par une seconde réforme politique menée en 1979. En janvier de cette année-là, une directive nationale enjoint d'ôter le chapeau de classe, comme on dit en Chine, des membres des catégories noires, c'est-à-dire de ceux qui possèdent un statut de classe négatif. On va considérer que la plupart d'entre eux doivent désormais être considérés comme rééduqués, et seule une poignée d'entre eux doit demeurer. Et en réalité, comme un château de cartes, à partir de cette directive de 1979, cette disparition soudaine des mauvais statuts de classe entraîne celle des bons statuts de classe et entraîne la mise en œuvre du principe de la lutte des classes tel que ce principe était mis en œuvre en Chine depuis 3 décennies. Si l'on ajoute à cela la disparition des communes populaires au début des années 1980, puis la diminution en ville des unités de travail et de leur emprise sur la vie des individus, on comprendra que c'est l'ensemble de la société chinoise et non pas les seuls migrants qui fait face au début des années 1980 à la nécessité d'instaurer de nouveaux modes d'identification, de reconnaissance mutuelle, j'ai envie de dire de recommandabilité. Cette nécessité s'inscrit elle-même dans une forme plus générale de crise de la réalité sociale qui se manifeste au sortir de l'expérience politique des 3 premières décennies du régime. Et cette crise se manifeste notamment par les difficultés éprouvées non seulement pour identifier autrui, mais tout simplement pour imaginer, décrire et communiquer la réalité, pour dire ce qui est. S'il existe des études passionnantes sur les transformations de la langue chinoise, notamment à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, face notamment aux nécessités de modernisation économique, il est peu d'études sur la langue qui s'impose à partir de 1949 et sur les usages qui en sont faits. En allant très vite en besogne, disons simplement que non seulement des catégories nouvelles sont instituées pour fonder une société nouvelle, mais une langue plutôt pauvre est instaurée qui prend appui sur un ensemble de schématisations pour désigner les actions, les acteurs, les situations. Ce sont des mots nouveaux ou des mots du langage quotidien mais qui connaissent de nombreux phénomènes de distorsion ou d'euphémisation. Les termes renvoient ainsi à des réalités particulières, parfois surprenantes pour le sens commun, au nom d'une interprétation posée comme vraie et du pouvoir d'interprétation exclusif attribué à certains. Ces mots et les orientations normatives qu'ils charrient sont d'autant plus importants que les relations de pouvoir s'expriment notamment par les usages spécifiques alors assignés à la parole. Il y a ainsi, selon les situations, l'interdiction de rester silencieux, au contraire celle de prendre la parole, la nécessité de prononcer les mots attendus ou celle d'éviter les termes inappropriés, le pouvoir exclusif donné à certains de nommer, je l'ai déjà dit, de qualifier et donc de donner sens à la réalité, mais aussi le pouvoir de poser une relation, et notamment une relation d'accusation, qui est constitutive de l'identité et de l'accusé et de l'accusateur. Le sens des mots ou la validité de ce que j'appelais des repères moraux, éthiques, normatifs pour aller très vite, donc de ces repères moraux ne peuvent être testés, confrontés, mis à l'épreuve alors avec une quelconque forme de publicité. Les réformes mises en œuvre en Chine à partir du début des années 1980 s'inscrivent donc, et j'ai été rapide, excusez-moi, dans une situation très complexe, caractérisée notamment par le caractère instable, pour aller vite, du contexte sémantique et normatif dans lequel ces réformes économiques s'inscrivent. Or, ces réformes économiques suscitent à leur tour des transformations profondes de la société chinoise. Des situations, des actions, des individus, des acteurs, des figures inédites surgissent soudain. Ils apparaissent toujours, encore et autrement, confus, indéterminés, au vu des difficultés rencontrées pour les désigner, pour leur assigner une signification ou, là encore, pour apprécier leur orientation normative. Qu'est-ce qu'un ouvrier aujourd'hui en Chine, alors que le rôle privilégié d'avant-garde du prolétariat autrefois assigné à cette catégorie n'existe plus dans la société sans avoir été officiellement démenti? Qu'est-ce qu'un paysan? Qu'est-ce qu'un village? De façon plus précise, tout au long des années 1990 et 2000, le rapport officiel au passé s'est transformé en Chine. Le gouvernement renoue désormais avec une Chine inscrite dans la longue durée d'un passé quelque peu immuable, un passé qui a pourtant été critiqué et transfiguré pendant les premières décennies du régime, sans démentir la légitimité de ses premières décennies. La révolution n'est plus, mais elle est encore. En conséquence, non seulement la version officielle d'épisodes récents entre 1949 et 1979 ne peut être contestée, mais le présent ne peut être pleinement nommé, qualifié, débattu, puisqu'il doit officiellement s'inscrire dans la continuité des premières décennies. Et par exemple, dernièrement, en mars 2013, le nouveau président de la République, Xi Jinping, réaffirmait qu'il était interdit en Chine de critiquer la période actuelle, soit des années 1979 à aujourd'hui, au nom de la période précédente, 1949-1979, comme il était interdit de critiquer la période précédente au nom de la période actuelle. Il en résulte que le passé immédiat est largement tu aujourd'hui, en famille comme sur la place publique. Son évocation est difficile, voire inquiétante. Comment faire en effet le récit d'expériences personnelles alors qu'elles sont susceptibles de contredire la version officielle de l'histoire ou de réveiller les souffrances d'autrui? Mais aussi, la question est aussi comment parler d'hier avec les mots d'hier. En effet, la langue passée n'a pas été démentie, mais le système qui en commandait l'interprétation et l'usage n'est plus dans les faits. Dès lors, des mots sont demeurés et d'autres sont tombés en désuétude. Les liens entre les dimensions sémantiques et normatives des termes se sont distendus. Parler aujourd'hui d'hier avec les mots d'hier, notamment à ceux qui ne l'ont pas vécu, implique donc un travail de paraphrase, d'explicitation, de décodage particulièrement difficile. Mais parler d'hier avec des mots d'aujourd'hui, ou du moins avec des mots qui n'appartiennent pas à cette langue passée, est tout aussi difficile. Le travail d'imagination qui permettait de connecter le présent au passé, mais aussi au futur, se révèle donc particulièrement malaisé. Le passé semble ainsi être devenu confus, le passé immédiat, semble ainsi être devenu confus, indéterminé, voire à la fois étrange et étranger, car non seulement les mots manquent pour le décrire, mais il est difficile d'entretenir avec lui un rapport de familiarité. Il est en partie réprimé, mais ce n'est pas que cela. Confronté au présent, il révèle une étrangeté qu'on ne lui connaissait pas, ou pas de cette façon, au moment des faits. D'où l'inquiétante étrangeté au présent d'un passé dont certains sont pourtant familiers. Une étrangeté qui n'est pas sans effet sur les façons partagées de dire au présent ce qui est et ce qui est désirable, acceptable, tolérable, légitime, juste. En effet, parler d'aujourd'hui à l'ombre d'hier, sans savoir ce que les uns et les autres retiennent des significations passées et des liens internes qui les organisaient en système. Parler d'aujourd'hui sans autoriser les fantômes du passé, c'est-à-dire tout ce qui s'invite d'un passé qui n'est pas invité à surgir, est également malaisé. Pour conclure, je voudrais donc simplement dire que ce que j'ai essayé de suggérer, c'est tout simplement que les difficultés qui entourent l'accueil fait en Chine aux migrants, à celui qui circule et qui vient d'ailleurs, ne constitue que l'un des symptômes d'une demande plus large d'histoire et d'intelligibilité au sein de la société chinoise. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Isabelle Thirault, Les migrations à l'ombre de la période maoïste, crise de la réalité sociale et méfiance publique en Chine contemporaine. Et en première partie, vous avez écouté Alain Tarius, Les routes européennes des nouvelles migrations, des mobilisations internationales aux mobilités transnationales. Nous vous proposons de larges extraits des contributions du colloque Migration, Réfugiés, Exil, les 13 et 14 octobre 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Alain Tarius a publié « Étrangers de passage, poor to poor, peer to peer » aux éditions de l'Aube en 2015 et Isabelle Thirault a publié de proche en proche « Ethnographie des formes d'association en Chine contemporaine » chez Peter Lang en 2012. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti, un grand merci à Boris Boutlerov. Demain, suite du colloque avec l'historien Benjamin Stora et le démographe François Errand. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.